Alors tu es complètement idiote, c'est bien entendu. Oui. Tu te rends compte que ce que tu fais est stupide? Non. Bon, mais si je te prouvais que c'est stupide, tu ne le ferais pas? Si. Tu es décidé? Oui. Tu ne regretteras rien? Non. Tu as patienté 5 ans, tu pourrais peut-être attendre 24 heures. Impossible. Il va beaucoup souffrir. Je serai heureuse. Tu n'as pas un peu pitié de lui? Oh, si, si. Eh ben alors? J'aime l'autre. Bravo, quelle importance. Mais je l'aime, tu ne sais pas ce que c'est. Écoute, ce n'est tout de même pas la première fois que tu aimes. Ah, si. Ah, c'est de grand amour, vraiment. Oui. Ben alors, que veux-tu, aime-le, mais ne quitte pas Jeff. Et Alexandre n'admet pas le partage. C'est compliqué. Il ne veut pas cacher notre amour. Il veut que nous nous aimions au grand jour. Quelle gourde. Oh, ben n'insiste pas. Tu es sûr que ça vaut toute la peine que tu vas faire à Jeff? Oh, absolument sûr. Mais réfléchis, c'est Alexandre. Tu ne pourras pas le tromper facilement, tu penses, avec son amour au grand jour. J'ai bien réfléchi. C'est un malin, il ne croira pas tes histoires. Oh, je ne lui mentirai pas. Oui, mais quand tu ne l'aimeras plus. À Jeff, tu lui racontais ce que tu voulais, il croyait tout, il avait tellement confiance. J'ai peur que tu te sois habitué à cette tranquillité. Je n'y pense pas. Mais pense-y. Avec Alexandre, il faudra que tu aies des petites amies pour que tu puisses aller les voir. Mais je l'aime tellement, j'en aurai peut-être. Ne pars pas, dis. Si. Allez, ne pars pas, dis. Allez, pars pas. Si. Enfin, bon Dieu, Jeff, t'as tout de même épousé. Bah, crois-tu sans cela que je serais restée 5 ans avec lui? Tu l'as même aimé, je m'en souviens parfaitement. Oui, au début de notre mariage. Je te le fais pas dire. Bah oui, mais que veux-tu, c'est fini. C'est fini et je pars. Ah, c'est ainsi. Eh ben, je vais aller... Oui, ben ne cherche pas, il n'y a rien à faire. Tu me dégoûtes. Si tu savais comme tu me dégoûtes. Tant pis. J'ai envie de te flanquer une gifle. Oui, ben essaie donc. Ah, si Jeff t'avait giflé seulement une fois, une pauvre petite fois, nous n'en serions pas nous ensemble. Ben oui, mais voilà, il ne m'a pas giflé. Écoute, Marceline, mon pied, j'arrangerai tout. Tu verras ton Alexandre tous les jours, mais ne pars pas. Si. Alors c'est vrai, tu ne veux pas rester? Non. Une fois, deux fois, trois fois? Non. En tout cas, j'aime mieux te prévenir tout de suite avec Alexandre. Ne compte pas sur moi. Oh, j'aurais pas besoin de toi. Non, je parle pour après. Pour après quoi? Pour après, ton amour. Ah, oui. Ah, j'irai même plus loin. Si tu romps avec Jeff, tu romps avec moi. Ah, mais... Oui, c'est du chantage. Je ne sais pas. Je veux simplement te faire comprendre où est ton intérêt. Je me soucie bien de mes intérêts. Je n'ai pas dit tes intérêts, j'ai dit ton intérêt. Oh, tu me fatigues. Alors, ça va recommencer. Tu en as déjà assez d'être honorable, d'avoir une situation assise, une famille, un foyer. Quoi? Ça va recommencer, les meublés, la poste restante, les fins de mois qui durent 3 semaines, des... Pas du tout. Alexandre est très riche, bien plus riche que Jeff. Ah? Ben oui, puis très généreux. Il a même pensé à toi. Ah? Oui. Il m'a prié de te remettre, tiens, ce petit souvenir. Regarde. Voilà. Mais d'abord, c'est pas un souvenir. On se donne des souvenirs quand on se quitte. Et maintenant, nous allons nous voir tous les jours. Prends tout de même ce portefeuille, quoi. Il a pensé à tout. Eh bien, tu diras à ce petit monsieur que je ne mange pas de ce pain-là. Oui, ben, il te connaît, il ne te croira pas. Bon, eh bien, alors, dis-lui que je n'en mange plus. Tu refuses? Carrément. C'est inouï, mais pourquoi? Parce que Jeff est mon ami. Et alors? Tu n'as aucune espèce de sens moral. Oh, excuse-moi. C'est un imbécile, c'est entendu, il est prétentieux, il se croit toujours plus malin que les autres, mais c'est un chic type, qu'est-ce que tu veux? Toi, naturellement, tu ne le connais pas, tu ne le vois presque jamais. Si tu savais comme il est bon, il en est bête. Tout le monde le roule, moi le premier, mais c'est tellement facile. Alors maintenant, moi, ça me dégoûte. Et alors, quand je vois ce que nous allons le quitter, c'est tellement infect, moi je n'en suis pas. Tant pis. Que veux-tu, il ne fallait pas me laisser 5 ans avec lui. Oui. Faites ce que vous voudrez, je t'ai dit ce que j'avais à te dire, mais moi, je ne veux pas voir ça. Où vas-tu? Je m'en vais. Je suis fort curieux, mais pourtant, je voudrais savoir de combien était le machin, là, le souvenir. Oh, quel mufle! Ah, là, là. Au revoir, Marceline. Mais tu as tort. Tu ne seras pas heureuse avec ce type-là. Veux-tu me rendre un dernier service? À propos de Jeff? Oui. Non, je t'ai dit que je ne voulais pas voir ça, je m'en vais. Oh, mais non! Quoi? Oh, mais pas du tout, c'est toi qui vas lui dire. Tu vas lui dire quoi? Mais que je m'en vais, que je le quitte. Mais tu te fous de moi, dis. Pas du tout. Tu penses que je vais aller lui dire ça? Mais fais tes commissions toi-même. Enfin, tu as de l'amitié pour lui, n'est-ce pas? Eh bien, il faut que tu lui dises, enfin, que tu lui expliques. Mais si c'est toi, il aura moins de chagrin. Tu crois? Tu lui diras du mal de moi, tu lui diras la vérité aussi, enfin, tu lui raconteras tout. Oh, pas tout. Mais si, tout, tout, pour qu'il n'ait pas de regrets. Non, non, non, non, allons, pas tout. Mais si, tout. Ben alors, pas aujourd'hui. Non, non, laisse-moi le préparer, l'amener tout doucement. Mais je pars ce soir. D'ailleurs, aujourd'hui, moi, je suis pas en forme. Oui, ben écoute, débrouille-toi. Hein. Mais dis donc, tu n'as pas de cœur. Pourquoi? Mais il ne s'agit pas de se débrouiller, il s'agit de briser la vie d'un type en essayant de lui faire croire que ça n'a pas d'importance. Mais je ne brise pas sa vie. Après moi, une autre. Applique ce raisonnement à Alexandre. Ah, tu ne comprends rien. Ah, je comprends trop bien, au contraire. Préfères-tu que je le prévienne par lettre? Oh non. Ce pauvre vieux. Bon, alors? Ben, va le chercher, qu'est-ce que tu veux? Bon, alors je vais lui dire que tu veux lui parler et puis j'attendrai là. Si tu as besoin de moi, tu n'auras qu'à ouvrir la porte. Ah, tu es calme, toi. Parce que tu me dégoûtes. Tu veux me parler, imbécile? Oui, Jeff. Oh, tant mieux, je m'embêtais. Une commande interminable. Quand ta sœur m'a dit que tu m'appelais, j'ai pensé chouette. Au moins, avec lui, je vais rigoler. Ah. As-tu vu la dernière photo de Marceline? Oui. Elle est bien, n'est-ce pas? Oui, oui. Je vais la mettre ici. Comme ça, elle sera partout dans la maison. Eh, laisse donc ça. Je viens te parler sérieusement. Alors, je t'écoute. Eh bien, voilà. Mon cher Jeff. Combien veux-tu, c'est ça? Tu as besoin d'un peu d'argent, n'est-ce pas? Oh non, ne crois pas ça. Oh non, oh non. À la bonne heure, ça marche, la musique? Pas très bien. Et même... Non, mais parlons d'autre chose. Si tu veux. Mon cher Jeff... Parce que je peux très bien te prêter 20 000 francs. J'ai fait une très belle affaire ce matin. Oh, écoute, tu me gênes beaucoup. Oh, mon Dieu, que ça commence mal. Ne te gêne pas avec moi. Mais je sais bien. Si je te le propose, c'est que je peux le faire. Mais je ne parle pas tout le temps de ça. Ça ne va pas du tout. Depuis quelque temps, je te trouve d'une discrétion. C'est pas naturel. Mais si, voyons, qu'est-ce que tu vas t'imaginer là? C'est très naturel qu'à force de t'emprunter de l'argent, il me soit venu des scrupules. N'emploie pas des mots dont tu ne connais pas le sens. Ah, c'est pas ce qu'il m'en coûte parfois. À toi aussi. On dit que je suis un feignant, on n'a pas tort, mais si on savait ce que je la paye, ma paresse. Ah, des soirs de rupture, tiens. Tu ne peux pas t'imaginer. Quoi? Laisse-moi parler. Quand c'est lui qui rompt, passe encore, elle pleure un peu, je me prends au téléphone, je galope toute la nuit, c'était éreintant, mais pas tragique. Je sais bien qu'au bout de 15 jours, elle n'y pensera plus. Je ne comprends rien à ce que tu dis ce matin. Mais quand c'est elle qui s'en va, voir leur pauvre gueule, au nom de Dieu. Ah oui? Voir tout à l'heure ta pauvre gueule à toi. Explique-toi. Je m'étais habitué à toi. 5 ans, ça compte. T'es vraiment un chic type. Je ne perds pas des 20 000 francs, car hélas, je ne les prendrai pas. Pourquoi? Raison de famille. Mais tiens, t'avais une façon de me dire, voilà l'imbécile. Ben, c'était charmant, tu me disais, voilà l'imbécile. T'es peut-être seul à me trouver intelligent. Mais tu ne me diras plus, voilà l'imbécile. Oh, par exemple, si, alors. Non, mon vieux, tu ne me diras plus, voilà l'imbécile. Pourquoi? Tu t'en vas? Ce n'est pas moi qui m'en vais. Oh, j'ai besoin de personne d'autre que toi pour dire voilà l'imbécile. Si. Oh, tu vas pas me faire croire que c'est si difficile. Ah oui, je vois bien. Tu ne comprends pas. Hein? Tu ne comprends pas. Oh, rien du tout. Ah oui, je vois bien que si je continue à te parler de moi, tu ne comprendras pas. Je ne comprends absolument rien. D'abord, je dois te prévenir, c'est une mauvaise nouvelle. Ah? Une très mauvaise nouvelle. Alors dis vite. C'est pas facile. Bah, parle, parle. Je voudrais te faire comprendre. Mais parle donc! As-tu inventé ta fleur? Non. Alors, ne cherche plus, c'est plus la peine. Quoi? Marceline? Oui, Marceline s'en va, mon pauvre vieux. Qu'est-ce que tu dis? Marceline s'en va, Marceline te quitte, Marceline part avec un autre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je viens de la rencontrer. Elle riait, elle m'a dit, monte, Clotaire a quelque chose à te dire. C'était ça. C'est une blague idiote. Mais je n'ai pas de tact, mais je ne ferai pas une blague pareille. Peut-être pas toi, mais elle. Mais j'ai fait l'impossible pour la convaincre de rester. De quoi te mêles-tu? Si c'est vrai, penses-tu que je serais content de ne voir Marceline qu'à tes conseils? Si elle veut vraiment partir, qu'elle parte. Je ne ferai pas un geste pour la retenir. Bravo! Quoi? Eh bien, je suis content de voir comme tu prends bien la chose. Marceline avait raison. Après elle, une autre. Ah? Mais tu as raison, oh là là, se faire du chagrin pour les femmes, mais une de perdue, 10 de retrouvée, comme on dit. Après elle, une autre. Tu connais le proverbe arabe ? Si tu perds ton cheval, pleure et va à pied. Si tu perds ton âne, achète-en un autre. Si tu perds ta femme, achète un âne ou un cheval. Après elle, une autre. Alors, mon vieux Jeff, achète un âne ou un cheval. Ce serait vrai, elle partirait. Oui, mais tu le prends très bien, c'est entendu. Elle partirait. Mais tu l'as dit tout à l'heure qu'elle part, je ne ferai pas un geste. C'est vrai, elle part. C'est pour cela que tu n'as pas pris les 20 000 francs. Oui, c'est vrai, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais ma sœur est infecte. Elle est infecte, ma sœur. Tu te souviens de ce que disait Richard ? L'atmosphère louche, les petits mensonges de tous les jours, la poste restante, les histoires de bonnes. Eh ben, c'est vrai, tout ça, c'est vrai. Oh, non, non, non. Elle ment comme elle respire. Mais si tu savais comme elle t'a menti. Menteur. Oui, j'étais un menteur quand je mentais pour elle, avec elle. Ah, Soline, c'est vrai ce qu'il dit ? Ne la regrette pas, ce serait trop bête. Ne la regrette pas. Si tu savais ce qu'elle t'a fait, tout ce que Richard disait était vrai. Entends-tu ? Tout. C'est pas possible. Oui, mon pauvre vieux. Elle me ressemble. Elle t'en ressemble ? Elle me ressemble, mon pauvre vieux. Oh, non. Là, tu peux discuter. Alors, Claude, tu dis qu'elle ment ? Mais est-ce que tu dis enfin qu'elle me trompe ? Ben, si elle parle, elle ne me trompe pas. Je ne te parle pas de celui-là. Est-ce qu'elle m'a trompé ? Tu veux savoir ? Oui. Tu y tiens beaucoup ? Oui. Crois-tu que cela te détacherait d'elle ? Oui. Alors, oui. Elle va à la poste restante, par exemple ? Non, c'est la bonne qui y va. Ah oui, la bonne ! La bonne ! Je n'avais pas pensé à la bonne. À cause de la bonne, je vais tout croire maintenant. Tu peux. En somme, elle ne m'a jamais aimé. Mais je ne vais pas jusque-là. C'est encore heureux. Non, à un moment donné, elle t'a même beaucoup aimé, c'est certain. J'ai vraiment bien bon d'en convenir. Elle t'avait trouvé très gentil, très épatant. Je crois que tu aurais pu la garder, peut-être, mais malheureusement, tu l'aimais trop. Oh, je l'aimais trop. Ah oui, mon pauvre. Elle est infecte, ma sœur, infecte. Je ne peux pas t'expliquer. Si je te disais ce que tu aurais dû faire, tu n'en reviendrais pas. Ne me le dis pas, je n'aurais pas pu, j'en suis sûr. Moi, je sais ce qu'elle attendait de toi, tu comprends, parce qu'elle me ressemble. Et c'est toi qui viens de me dire tout cela. Toi qui lui dois tout. Toi pour qui elle a été si gentille. Ah, pardon. Tais-toi maintenant. J'ai voulu voir jusqu'où tu irais. Toutes mes prévisions ont été dépassées. Je savais que tu n'avais pas beaucoup de scrupules ni de noblesse dans le caractère. Pourtant, à ce point-là... Oh, dis donc. Oh, mais sans elle, que serais-tu ? Que deviendras-tu quand elle ne t'imposera plus partout à force de sourire ? Tu n'as pas pensé à ça, hein ? Mais laisse-moi parler. Qu'a-t-elle fait ? Elle t'a refusé de l'argent ? Elle t'a interdit de m'en demander ? C'est elle qui m'a dit de te prévenir. Elle prétendait que par moi, tu aurais moins de chagrin. C'est elle aussi qui m'a dit de t'apprendre la vérité sur son caractère, ses mensonges et au besoin ses trahisons. C'est pas possible. Ah non ? Non, non, non, c'est pas possible. Eh bien, elle est derrière cette porte. Elle attend le résultat de notre conversation. Tout ce que je t'ai dit, elle le répétera. Puisque tu ne me crois pas, ouvre la porte. Si elle est là, c'est qu'elle part. C'est qu'elle t'a trompé, c'est que j'ai raison. Mais ouvre la porte ! Marceline, je savais bien que tu mentais. Mais dis-lui, toi, dis-lui. Fais-t'y commission toi-même. Il ne veut pas me croire. Il ne veut pas me croire, comprends-tu ? Et tu vas quitter cet homme-là. C'est vrai, Jeff, je pars. Tu pars définitivement ? Définitivement, oui, Jeff. Pourquoi ? Ben, figure-toi que... Tais-toi ! Bon. Pourquoi ? M'oblige pas à te le dire. C'est impossible, il y a un malentendu. Quel malentendu peut-il y avoir ? Je m'en vais. Qu'attends-tu de moi ? Que veux-tu ? Dans quel but as-tu organisé cette petite comédie ? Je ne veux rien que partir. Et c'est pas une comédie. Vraiment ? Alors oui, t'as mal. Où sont tes valises ? Tu partais sans rien ? Sans rien. Comme c'est vraisemblable. Il faut me croire, Jeff. Je vais partir. Ton histoire ne tient pas debout. Pourquoi serais-tu resté derrière la porte pendant que Plotier me prévenait ? Il fallait te dépêcher de t'en aller. Ah non, j'estimais que je te devais une dernière entrevue. Tu n'as donc pas eu peur que je t'attendrisse ? Non. Si je te croyais, je sanglotterais, je me traînerais à tes pieds. Le supporterais-tu bien ? Je me vois d'ici, ce serait épouvantable, n'est-ce pas, Clo-Clo ? Oui, naturellement. Épouvantable. Tu es extraordinaire, mon pauvre Jeff. Je te le répète, si tu as envie d'une nouvelle voiture ou d'une autre bague, tu n'as pas besoin d'employer des procédés pareils. Encore une fois, que veux-tu ? Et finissons-en avec cette bague sinistre. Alors tu ne me crois pas ? Non. Et si tu ne me revois pas ce soir à dîner ? Tu ne me croiras pas encore ? Non. Et demain ? Ah, Demain, peut-être, hein, oui. Ah, demain. Mais pourquoi ne veux-tu pas te faire à cette idée tout de suite? Parce qu'on ne quitte pas son mari pour un oui ou pour un non. Certes, mais... Et d'abord, toi, tais-toi. Bon. As-tu quelque chose à me reprocher? Mais là n'est pas la question. Elle n'est que là, au contraire. Non, ne me pousse pas à bout, Jeff. Tu veux savoir pourquoi je m'en vais? Oui. Prends garde, Jeff. Je vais te faire beaucoup de peine. J'attends. Eh bien, je te quitte parce que j'aime un autre homme. Parce que je l'aime depuis 6 mois et que je ne peux plus vivre sans lui. Allons donc. Quoi? Tout ce que tu dis est idiot. Comment pourrais-tu aimer un autre homme depuis 6 mois? Nous ne nous quittons jamais. Je t'en ai donné l'impression, oui, mais je le voyais au moins 2 heures par jour. 2 heures par jour, c'est étonnant. Grâce à lui, à Clotaire. Tais-toi, toi. Une simple question. Quand prétends-tu avoir décidé de partir? Jeudi. Tu tombes mal, jeudi, tu as passé toute la journée avec moi. Pas toute la journée. Toute la journée. Je suis allée chez le coiffeur, rappelle-toi. 1 heure? Vous avez décidé ça en 1 heure? Mais oui, Jeff. Quel gosse, quelle folie. C'est peut-être une folie, mais je vais la faire. Elle va la faire? Eh non! Je ne crois pas à ce coiffeur, ni à ce petit jeune homme. Comment sais-tu que c'est un petit jeune homme? Je te donne tout le reste. Tu n'as pu lui demander que ce que je n'avais pas. Mais enfin, si je te faisais voir ses lettres. Oh, des lettres? Ça, il a raison, les lettres. Bon, bah des photos. Tu veux me rendre jaloux ou tu trouves que je ne t'aime pas assez? Oh! Je l'avais dit, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Tu es furieuse de voir que j'ai confiance en toi. Je te dis que je pars, je pars, je pars, je pars. Ce que tu fais est très fort. Je ne comprends pas très bien pourquoi tu le fais, mais c'est très fort tout de même. C'est un bon moyen pour se faire apprécier à sa vraie valeur. Enfin, pauvre imbécile. Ah, tu vois, tu viens d'exagérer. Une femme qui quitterait vraiment son mari n'oserait jamais dire une chose pareille. Oui, pardon, pardon pour ce mot-là, mais c'est qu'aussi tu me rends folle. Je ne veux pas croire à mon malheur, c'est bien naturel. Tu me mets dans une situation très difficile, mon petit Jeff. C'est pas drôle de dire à un homme qui a toujours été très bon qu'on en aime un autre. Je te l'ai dit, tu ne me crois pas. Je croyais avoir quelque expérience des hommes. Il paraît que non. Quand je t'ai dit j'aime quelqu'un, tu n'as pas bondi. Tu t'es dépêché de te rassurer en invoquant des petites impossibilités matérielles. Tout ton caractère est là-dedans. Tu te dis elle-même puisqu'elle est toujours près de moi. Naturellement. Oh, c'est pas si facile d'être aimé, mon pauvre Jeff. L'amour, vois-tu, l'amour. Ta sœur s'énerve. Va-t'en. Oui, bon. Tu sais ce que je t'ai dit? Puisque tu quittes Jeff, tout est fini entre nous. Je vais travailler. Oui, ben bon courage. Toi, n'aie pas de chagrin. Ne me garde pas rancune de ce que j'ai dû te dire. Je t'aime bien. Je voudrais rester seul avec elle. Oui, oui, mais laisse-moi tout de même te remercier de l'avoir épousée. Pour la famille. Et aussi parce que ce qu'elle fera désormais aura moins d'importance. Ce sera une divorcée. Une divorcée? Merci pour tout. Pour tout. Va-t'en, tu comprends bien que je veux lui parler tout de suite. Oui, oui. Alors, adieu. Hein. Adieu, imbécile. Tu disais donc? Moi? Oui, tu disais quelque chose à propos de l'amour. Non, excuse-moi, Jeff. J'ai été méchante avec toi et il y a des choses qu'on ne dit pas. Je le comprends bien. Va. Ayons des adieux gentils. Tu as toujours été très bon, je te remercie. Tu ne mérites pas le mal que je te fais, c'est incontestable. Non, mais à propos de l'amour, qu'est-ce que c'était? Oh, à quoi bon? Tu ne pourrais pas comprendre. Dis donc, je t'ai aimé aussi, moi. Mon pauvre grand. Quoi? Alors tu t'imagines qu'aimer, c'est cette petite chose tranquille. Quelle chose tranquille? Tu t'imagines qu'on est heureux, qu'on n'a qu'à se laisser aller. Mais si c'était ça, l'amour, je t'aurais aimé, je te le jure. Ne t'énerve pas, mon petit. Mais l'amour, Jeff, l'amour, c'est être toujours inquiet de l'autre, c'est se dire, où est-il? Que fait-il? Pourquoi était-il en retard au rendez-vous? Non, ça c'est la jalousie. L'amour, Jeff, c'est se dire, qu'est-ce qu'il va penser de cette robe? Pourvu qu'il ne se fâche pas de cette réflexion que j'ai faite. Ça c'est ton amour, Marceline, ton tout petit amour. L'amour, Jeff, mais c'est encore... Tu vas me faire un cours. Ah, mon pauvre grand, je te demande pardon, mais je pourrais, car tu ne sais pas ce que c'est. Vraiment? Mais non, tu dis que tu aimes, tiens, et tu n'as même pas eu envie de me faire du mal. Alors il faut que je t'explique des choses. Je ne suis pas la femme que tu crois et que tu aimes, heureusement d'ailleurs, car cette femme-là, tu serais capable de l'oublier. Tu es là, tu t'énerves. Cette femme-là, celle que tu me dis, que tu me crois, même en te quittant, en te brisant le cœur, elle a l'air de te sacrifier. Mais tu te trompes entièrement. Je veux que tu saches la femme que je suis réellement. Qu'en sais-tu toi-même? Je ne veux pas rester pour toi cette espèce de souvenir fade. Tu auras le temps de me faire changer d'avis puisque tu restes. Tu en es encore là. Mais alors pourquoi t'aurais-je dit tout ce que je t'ai dit? Quelle explication donnes-tu à ma conduite? Aucune. Avec les femmes, il ne faut pas chercher à comprendre. Enfin, pourquoi ne crois-tu pas que je vais te quitter? À cause de mon amour, tu sais bien. Quoi? Tu m'aimes pour mon amour, donc tu m'aimeras toujours. Quoi, c'est la seule raison? La seule, et elle me suffit. Elle te suffit? Lily, je voudrais te raconter une histoire. Oh non, c'est pas le moment. Au contraire. Écoute. Il était une fois un curé... Oui, mais je la connais. Non, tu ne la connais pas, c'est moi qui l'ai inventée. D'ailleurs, c'est drôle, toutes les fois que je raconte une histoire, tu me dis d'abord, je la connais, c'est énervant. Bon, bah pardon.

Tu veux? Et puis, je voudrais te demander quelque chose. Appelle-le Clotaire, maintenant. Clotaire? Oh, écoute, Clotaire, c'est tendant. Fais-moi plaisir. Bon, je préfère l'appeler imbécile. Bon, mais enfin, pas Clo-Clo, en tout cas. Plus jamais Clo-Clo. C'est ce Renaud? Certainement. Tu ne m'adores plus. Je te le jure. Tu ne me respectes plus. Je te le jure. Alors viens, Jean de la Lune.